mademoiselle, tu es méchante. Thank you. appelle Waka Waka. Oh, ma demoiselle qu'on appelle Waka Waka. Je l'invitais à danser Waka Waka. Ma demoiselle me demande une bouteille champagne. Ma demoiselle, tu es méchante.